dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer et de mieux traiter dans quelques cas avec l'ADN. L'espoir finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, nous allons à l'école. Les neurosciences frappent à la porte de la classe et commencent à aider les professeurs à trouver des méthodes d'apprentissage efficaces. Les enseignants qui se sont emparés des connaissances apportées par cette discipline récente savent qu'il faut apprendre aux enfants à inhiber certaines de leurs intuitions. Si certains enfants confondent le B et le D, le P et le Q, c'est à cause d'un ennemi intérieur. Résister. Inhiber, c'est le maître mot d'Olivier Houdet, professeur de psychologie du développement à l'Université Paris-Descartes. Ses travaux permettent de regarder l'enfant différemment avec plus de bienveillance et de considération. Olivier Houdet a fondé le laboratoire Lapsidé et il est l'une des grandes figures des neurosciences en France. Son dernier livre, L'intelligence humaine n'est pas un algorithme, est paru chez Odile Jacob. Les aventuriers. Sur France Inter. Alors, je suis psychologue de l'enfant, donc j'explore le développement de l'intelligence au cours des âges chez l'enfant. À partir d'observations des comportements des enfants, de leur raisonnement, ce qu'il y a aussi de tout à fait nouveau dans ce que l'on fait, par exemple dans mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne, c'est l'exploration du cerveau grâce aux technologies d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle où on voit le cerveau de l'enfant qui raisonne, qui se trompe, qui corrige ses erreurs. On peut faire une imagerie cérébrale, reconstruire sur ordinateur en trois dimensions le cerveau de l'enfant en train d'apprendre et de penser. Et ça, c'est mon métier, c'est ce qui me passionne et qui passionne tous mes collègues du laboratoire parce que la science est toujours pleine de promesses, mais d'abord collective. Vos recherches ont donné lieu à des découvertes et aujourd'hui, vous défendez des théories, vous défendez même des idées. Est-ce que vous pouvez nous parler des grandes idées que vous défendez ? Alors, ma grande idée, en un mot, c'est l'inhibition. C'est-à-dire qu'on a oublié le rôle important, essentiel de l'inhibition. Inhibition pour soi et pour autrui. Inhiber ses erreurs, ses automatismes de pensée. L'intelligence, c'est toujours l'inhibition de nos automatismes. Un exemple, soyez un peu plus concret. Si vous prenez 6 jetons, que vous les déposez sur la table, vous mettez en dessous un autre alignement de 6 jetons qui ont exactement la même longueur, les deux alignements, et vous demandez à un jeune enfant d'école maternelle, est-ce qu'il y en a pareil ou pas pareil ? Est-ce qu'on a le même nombre de jetons dans la ligne du dessus et dans la ligne du dessous ? Le jeune enfant va dire, oui, il y en a pareil. Il peut même les compter. Et en effet, il a raison du point de vue des mathématiques, du nombre, il y en a pareil. Si sous les yeux de l'enfant, vous écartez l'un des deux alignements, celui de dessous par exemple, et vous le faites beaucoup plus long, vous reposez la même question à l'enfant, est-ce qu'il y en a pareil, le même nombre ou pas, au-dessus et en dessous ? Les plus petits, parce que leur cerveau est, disons, trompé par l'illusion visuelle de la longueur, les plus petits vont dire, non, il n'y en a plus pareil. Il n'y en a plus le même nombre. On dit à l'enfant pourquoi ? Et l'enfant répond, mais tu vois bien, ici, en dessous, il y en a beaucoup plus parce que c'est plus long et son doigt suit l'alignement. Donc c'est une conduite extraordinaire. On voit que l'enfant se laisse tromper par l'automatisme de la longueur alors qu'il devrait appliquer le comptage qui est un algorithme qui lui permet de résoudre le problème. Il est capable de compter, mais il est incapable d'inhiber l'automatisme visuel de la longueur, ce qu'on appelle une heuristique, une réponse trop rapide. Et l'intelligence, en fait, c'est cela déjà chez l'enfant, inhiber ses automatismes pour libérer sa pensée et être capable de compter. Voilà pourquoi vous dites il faut apprendre à résister. Voilà, mon idée clé en psychologie de l'enfant, c'est apprendre la résistance cognitive, résister à son propre cerveau qui est quelquefois trop impétueux, trop rapide. Et dans un monde de la vitesse aujourd'hui, on a oublié d'inhiber, de ralentir la pensée et cette essentiel, parce que plus tard, quand l'enfant dont je parle sera plus grand, eh bien son cerveau, par exemple, se laissera tromper face aux écrans par les fake news, c'est-à-dire une façon trop rapide de penser, ce qu'on appelle l'heuristique ou l'automatisme de crédibilité. On prend pour vrai ce qui est crédible, ce que l'on a envie de croire. Or, il faut inhiber quelquefois nos automatismes de croyance pour activer une pensée plus logique que rationnelle. Et notre monde d'aujourd'hui souffre de cela, c'est-à-dire qu'on n'inhibe pas ces pensées trop rapides, que ce soit les nôtres ou celles d'autrui. Mais comment est-ce qu'on apprend à inhiber ? Alors c'est tout le travail que je réalise au laboratoire avec mes collègues, c'est qu'on met en place des dispositifs pédagogiques qui apprennent cette résistance cognitive. Chez les enfants tout jeunes dont je parlais, il y a les jeux qu'on a toujours connus, Jacques a dit, ni oui ni non, un, deux, trois soleils, ce sont des petits jeux de contrôle cognitif. Mais il faut aller plus loin, et c'est cela qu'on développe avec mon laboratoire, insérer cet apprentissage qu'on appelle métacognitif, comprendre comment fonctionne notre cerveau, combien il est fragile, il peut se tromper, et on apprend à l'enfant, comme dans l'exemple des jetons que j'évoquais tout à l'heure, on lui apprend à inhiber cet automatisme de réponse trop rapide selon la longueur. Ça paraît évident quand je le dis, mais on ne le fait pas à l'école de façon systématique. Mais alors on apprend comment ? À l'école, pour l'instant, on répète. Quand l'enfant ne sait pas, se trompe, on dit « c'est parce qu'il n'a pas la notion ». Par exemple, il n'a pas la notion de nombre. Dans l'exemple que j'ai donné, l'enfant a parfaitement la notion de nombre dans son cerveau, mais il est incapable d'inhiber l'illusion visuelle de la longueur. Alors que, sur les murs des classes, vous voyez en général des tableaux avec les chiffres de 1 à 10, et à côté, vous voyez par exemple 1, un éléphant, 2, deux girafes, 3, trois crocodiles. Donc on apprend à l'enfant le nombre à travers des dispositifs pédagogiques où le nombre est confondu avec la longueur. C'est vrai aussi dans les livres de maths pour petits. On retrouve exactement les mêmes dispositifs. Et les professeurs qui n'avaient pas songé à cette idée de résistance cognitive disent « Ah ben oui, c'est évident, on s'en rendait pas compte. Nos matériels pédagogiques ou la façon dont on pose les questions aux enfants déclenchent dans leur cerveau des heuristiques trop rapides et parfois les enfants ont la bonne réponse mais ne parviennent pas à inhiber ce réseau neuronal concurrent qui les trompe. Un dernier exemple, toujours pour le nombre, chez les enfants un peu plus grands. Si je vous disais, Fabienne ou un groupe d'enfants, Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes ? Beaucoup d'enfants, peut-être vos auditeurs, vont répondre 30. 25 plus 5 égale 30. La réponse exacte est 20. Il fallait dans ce petit problème faire 25 moins 5 égale 20. C'est l'algorithme de soustraction très simple. Les enfants le maîtrisent, mais ils sont incapables de résister à l'envie d'additionner après plus ce que même professeur leur apprend toujours. Car vous avez utilisé le mot plus. Voilà. Le mot plus déclenche immédiatement, très très rapidement, quelques dizaines de millisecondes dans les réseaux de neurones de l'enfant, la réponse après plus j'additionne. Parce que souvent, le professeur l'a répété. Et en fait, si vous déclinez tout le programme scolaire, lire, écrire, compter, raisonner, penser et même respecter l'autre, ça exige très souvent d'inhiber des automatismes. Mais comment est-ce qu'on apprend à des enfants l'inhibition ? Alors on a mis au point un matériel pédagogique qui est ce qu'on appelle l'attrape-piège. C'est un grand carré qui est dessiné sur un support, comme une table. Ce carré comporte une zone centrale qui est blanche, qui est vide. C'est la zone d'activation où on peut mettre les bonnes réponses. Mais tout autour, il y a des hachures. Et ces hachures symbolisent l'inhibition, c'est barré. Et l'enfant, par exemple, joue avec des cartons réponses, glisse sa réponse spontanée dans le rond central, il dit non. Tu t'es trompé, on lui explique pourquoi, il s'en rend compte, il doit la glisser sous les hachures. Donc par ses actions, l'enfant fait l'acte d'inhiber, et c'est ce qu'on appelle un apprentissage métacognitif. On lui explique qu'il doit faire la même chose dans son cerveau, ne pas répondre trop vite, et imaginer dans son cerveau un attrape-piège qui va, avant qu'il ne réponde, inhiber ses réponses. Et ça marche très bien, on peut vraiment le faire avec des enfants dès l'école maternelle, mais à tous les âges. Et ces problèmes que j'évoque valent aussi, par exemple, pour les polytechniciens qui, dans des problèmes de raisonnement logique, se trompent comme un enfant se trompe dans longueur égale nombre. Donc c'est valable aussi pour les adultes. Voilà, ma nouvelle théorie du développement de l'enfant. Avec ce système d'automatisme heuristique trop rapide, les algorithmes que souvent on a appris mais qu'on ne parvient pas à déclencher, et un troisième système, l'inhibition, vaut à tous les âges. Et on garde toujours dans notre esprit ces automatismes enfantins que l'on doit inhiber. Olivier Houdet, vous utilisez beaucoup ce mot heuristique. Est-ce que vous pouvez en donner une définition ? Bien sûr. D'abord, sachez que ce mot est scientifiquement très sérieux parce que Daniel Kahneman, psychologue contemporain, le seul lauréat du prix Nobel d'économie, a obtenu ce prix, cette distinction, pour avoir montré que le cerveau de l'adulte fonctionne le plus souvent sous un mode heuristique. Une heuristique est un mode de pensée, ce qu'on appelle une stratégie mentale, très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Dans l'exemple des jetons que j'évoquais tout à l'heure, la longueur, ben, ça marche très souvent. Très souvent, la longueur est confondue avec le nombre. Si vous allez ou si l'enfant va dans un supermarché, sur deux rayons, à type de produits égaux, s'il y a beaucoup plus de, un alignement beaucoup plus grand sur l'un des deux rayons, vous n'allez pas compter. Vous vous dites, il en reste plus sur ce rayon-là. Donc, l'heuristique longueur égale nombre n'est pas un stade enfantin. C'est une stratégie qu'on garde toute sa vie, mais que l'on doit apprendre à inhiber. Donc, c'est cela, une heuristique. Et l'opposé de l'heuristique, c'est un algorithme qui est une stratégie plus lente, plus analytique, plus réfléchie, qui prend donc plus de temps que l'heuristique, mais un algorithme, lui, le comptage, conduit toujours à la bonne solution. Et c'est ça la différence, c'est que l'heuristique, elle est approximative et quelquefois, elle ne marche pas et alors on se trompe. Donc, il faut s'en méfier. Le fait que les enfants puissent confondre le B et le D, le P et le Q, c'est en rapport avec cette résistance. Absolument. La théorie que je développe, celle de la résistance cognitive, donc de l'inhibition, vaut pour tous les apprentissages fondamentaux. Avec les jetons, on a vu l'exemple des maths, mais pour les lettres en miroir, par exemple, que vous évoquez, c'est l'exemple de la langue, de la lecture, tout aussi essentielle à l'école. 10 mai 1971, première chaîne de télévision. Émission « Lire, entendre, compter », Monsieur Baltz, pédagogue à Lyon. Tu vois ces deux images ? Elles sont pareilles ou si elles ne sont pas pareilles ? Elles sont pareilles. Bon, regarde bien ces deux images. Elles sont pareilles ou pas pareilles ? Elles sont pas pareilles. Très bien. Et ces deux images, elles sont pareilles ou si elles ne sont pas pareilles ? Elles sont pas pareilles parce que ici, c'est pas du même côté que l'autre. Très bien. Tu vois ces deux images-là ? Elles sont pareilles ou pas pareilles ? Elles sont pas pareilles. Quelle lettre c'est ça ? Grand Q. C'est très bien. Bon, alors maintenant tu le sais, parce que tu me l'as fait tout à l'heure. Remets-moi tes mains sur la table. Ces deux mains, tu vois ces deux mains, elles sont pareilles ou si elles ne sont pas pareilles ? Elles sont pas pareilles. Alors en tant que pédagogue, après pas mal d'années d'hésitation, nous avons essayé de trouver des processus, des méthodes pédagogiques pour obtenir des enfants un meilleur rendement, sans les accuser forcément, comme on le fait trop souvent, de paresse, de négligence ou d'inattention. C'était Monsieur Baltz, pédagogue en 1971. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'était un bon pédagogue, il avait la bonne intuition. Et on parle aujourd'hui beaucoup de bienveillance. Eh bien, mieux comprendre la nature des erreurs des enfants et ne pas nécessairement les accuser, comme il dit, de paresse, c'est être bienveillant à l'égard de l'enfant. Alors aujourd'hui, en termes neuroscientifiques, on comprend cela beaucoup mieux. C'est l'exemple qu'il évoquait des lettres en miroir. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants à l'école, et les dyslexiques en particulier, confondent le B et le D, le P et le Q. Avec les nouveaux instruments théoriques que j'ai évoqués tout à l'heure, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Il y a une heuristique qu'on a définie, donc un automatisme de pensée, qui est l'heuristique de généralisation en miroir. Mm-hmm. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que si vous, Fabienne, je vous vois arriver dans un sens du studio ou dans l'autre sens, latéral, opposé, je ne vais pas imaginer qu'il s'agit de deux personnes différentes. Immédiatement, j'infère votre identité. Et notre système visuel, depuis très tôt chez le bébé et à tous les âges de la vie, fonctionne tout le temps avec cette heuristique, cet automatisme de généralisation miroir. C'est-à-dire que les objets, pour nous, restent identiques, quelle que soit leur orientation latérale. Mais, donc vous comprenez la force de cette heuristique de discrimination visuelle, mais cette heuristique-là ne marche pas pour deux paires de lettres qu'on appelle les couples infernaux dans notre langue, le B, le D, le P et le Q. Et on a montré que le cortex préfrontal de l'enfant devait envoyer un ordre inhibiteur à longue distance vers la zone de la lecture dans le cortex temporal pour inhiber ces neurones qui généralisent en miroir et activer, dans ce cas-là, l'algorithme. Et quel est l'algorithme dans ce problème ? C'est l'alphabet. Si on applique les 26 lettres de l'alphabet et les correspondances avec les sons, c'est un peu plus long. C'est analytique. Ça demande un effort cognitif, mais on ne confond pas, ça conduit toujours à la bonne solution, on ne confond pas un B, un D, un P, un Q dans l'algorithme de l'alphabet. Là encore, dans cet exemple, on voit combien l'inhibition est au cœur des progrès en lecture. 14 novembre 1967. Télévision française, une classe de grande section maternelle. Je repose ma question, que vient-on faire dans cette nouvelle école, qui n'est plus l'école maternelle, qui est l'école des grands garçons ? Travailler, ils ne savent dire que travailler, je Il y a autre chose pourtant. Allez. Ah, ben voilà. Je vous ai expliqué que celui qui ne sait pas lire ne peut pas faire grand-chose. Mais nous venons encore apprendre autre chose ici. Et puis écrire. Nous venons apprendre aussi à écrire. Une troisième chose également. Et on va commencer dès aujourd'hui. Allez. À compter. À compter. What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? Hope seems to hang on. Let's dance the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? Mélanie de Biasio, The Flow. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Olivier Houdet, professeur de psychologie du développement à l'Université Paris-Descartes, explore les cerveaux d'enfants en imagerie cérébrale pour comprendre comment le cerveau, cet organe qui se remodèle sans cesse, apprend. Il s'intéresse au sommeil, au rôle des émotions. Parce que les élèves font souvent les mêmes types d'erreurs en classe, Olivier Houdet veut, avec son équipe de chercheurs, mesurer la capacité des enfants à résister aux automatismes. Alors, je dirige un laboratoire du CNRS à la Sorbonne, qui s'appelle le LAPSIDE, Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, pour lequel d'ailleurs j'ai fait nommer un nouveau directeur, qui est mon collègue Grégoire Borst, et nous travaillons avec lui et tous nos enseignants-chercheurs à explorer très finement la façon dont les enfants, les adolescents et les adultes, donc au cours du développement, pensent, raisonnent. Et ces processus nécessitent aujourd'hui, en sciences cognitives, non seulement d'observer les comportements, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et voilà pourquoi vous utilisez l'imagerie cérébrale. Voilà, c'est un progrès technologique formidable. Moi-même, je suis instituteur de formation initiale, j'ai ensuite fait des études de psychologie jusqu'au doctorat, et seulement bien plus tard sont apparues les technologies d'imagerie cérébrale. J'ai refait donc une formation complète en biologie, et aujourd'hui, les vrais psychologues scientifiques doivent être à la fois biologistes, psychologues, avoir des connaissances techniques en informatique, en technologie d'imagerie cérébrale. Et ce qu'on a fait tout à fait nouveau en France dans les années, à la fin des années 2010, c'est qu'on a pu préparer des enfants pour les faire passer dans une IRM alors qu'ils étaient en train de résoudre une tâche, par exemple la tâche des jetons que j'évoquais, de comptage. On voit ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il se laisse piéger par la longueur et ce qui se passe dans son cerveau quand il parvient à inhiber la longueur et son cortex préfrontal s'allume à ce moment-là et c'est un signe d'intelligence. Qui sont les enfants qui passent dans ces IRM? Vous avez noué des partenariats avec des écoles? Oui, pour faire des expériences comme celle-là, il faut un partenariat, et c'est ma façon de travailler, très étroit avec les écoles. C'est-à-dire qu'on va d'abord contacter les directeurs d'école. En parallèle, je contacte les recteurs, les directeurs d'académie, parce qu'il faut travailler avec toutes les strates de l'éducation nationale pour qu'il y ait un vrai projet collaboratif. Et nous allons, avec mes collègues, dans les salles de classe ou dans le midi quand les profs sont en train de déjeuner. Il y a beaucoup de fours à micro-ondes et nous on apporte un ordinateur, un diaporama et on leur montre les découvertes que l'on peut faire aujourd'hui dans le cerveau des élèves. Et on leur demande s'ils ont envie que leur classe participe. Le directeur d'école étant déjà d'accord. Et les professeurs volontaires nous ouvrent les portes de leur classe. On va à ce moment-là en classe, on donne aux enfants un petit livret qui leur explique le cerveau, les technologies d'imagerie cérébrale. Et après, ils ramènent ce petit livre à la maison et avec leurs parents, puisque les parents sont évidemment les décideurs en cette matière, s'agissant d'enfants, donc de mineurs, avec les parents, ils décident ou non de venir au laboratoire faire un examen d'imagerie cérébrale. Et on fait même plusieurs parce qu'on suit l'enfant dans le temps. Et ils ont quel âge, les enfants? Alors, pour les plus jeunes, nous avons réussi l'exploit scientifique, je dirais, d'explorer des enfants à partir de 4-5 ans. C'est très difficile à cet âge parce que l'enfant bouge beaucoup, il est turbulent. Henri Vallon, grand psychologue français de l'enfant, disait c'est l'âge de l'enfant turbulent. Nous, on les prépare finement à l'immobilité, à répondre à une stimulation sur écran. Donc les enfants que l'on prépare sont comme Thomas Pesquet qui partirait dans l'espace. Ils sont hyper entraînés et très heureux de le faire parce qu'ils participent à la science. Oui, ils sont intéressés. Ils sont intéressés. Moi, je crois pour les sciences cognitives et les neurosciences qu'il ne faut pas trop les imposer aux parents et aux professeurs. Il faut faire de la science participative. Ils sont intéressés et je peux vous dire, Fabienne, à chaque fois qu'un enfant passe une IRM, avant que le petit lit ne glisse à l'intérieur de l'IRM quand l'enfant est bien installé, je lui dis d'abord, est-ce qu'il est toujours d'accord de le faire et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et les réponses des enfants dès 4-5 ans sont très sérieuses, très scientifiques. Ils disent, je veux qu'on comprenne mieux le cerveau, que mon maître ou ma maîtresse puisse mieux savoir comment mon cerveau doit apprendre. Donc les motivations dès le plus jeune âge sont très, je dirais, épistémologiques et scientifiques. Et ça, c'est très intéressant. Il ne faut pas attendre d'être à l'université pour expliquer aux gens ce que c'est la biologie, ce que c'est le cerveau. Il faut faire très tôt dans le cadre d'une collaboration et d'un partenariat. Donc les neurosciences peuvent apporter beaucoup à l'éducation et Jean-Pierre Changeux a fait énormément. Oui, Jean-Pierre Changeux est le grand fondateur des neurosciences cognitives en France et Jean-Pierre Changeux a surtout d'emblée dit que ce qui était important, c'était pas la génétique, mais l'épigénétique. Et depuis très longtemps, c'est-à-dire comment notre cerveau, dans un environnement social et culturel particulier, va configurer, sélectionner ses assemblées de neurones pour grandir et se développer. Oui, il est un des premiers à avoir établi une relation entre les neurones et le psychisme. Absolument, dans ce qu'il a appelé l'homme neuronal. 2 avril 1983, France Culture, Jean-Pierre Changeux. L'idée est la suivante. Le système nerveux est susceptible de produire des représentations à la fois d'objets extérieurs, mais aussi que l'on qualifie d'abstraites, des concepts. Eh bien, l'idée est que on peut considérer ces objets mentaux, ces images mentales, ces concepts, comme des assemblées de neurones qui entrent en activité et ces activités sont coordonnées, couplées entre elles. Bon, c'est une hypothèse. On est encore loin d'avoir identifié l'objet mental correspondant au concept fleur. On n'a pas encore vu une fleur se dessiner dans le cortex cérébral. Alors, on n'a pas encore vu une fleur se dessiner dans le cortex cérébral, mais on s'en approche. Oui, il y a eu beaucoup de progrès depuis qu'il avait d'ailleurs tracé, parce que tout en lançant des défis comme il le faisait dans les années 80, il savait très bien que ce domaine allait vraiment se monter en puissance grâce aux technologies d'imagerie cérébrale. Oui, on s'en rapproche, parce que pour des catégorisations d'objets comme une fleur maintenant ou d'autres stimuli visuels, on peut vraiment voir des réseaux neuronaux extrêmement analogues à la forme que l'on observe. Donc il y a ce qu'on appelle un isomorphisme, une analogie. Mais il n'y a pas que cela dans le cerveau, bien sûr. Il y a aussi du raisonnement bien au-delà de la perception. Alors Olivier Houdé, qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, ce que l'on a découvert, c'est que d'abord le cerveau, comme le dit très bien Jean-Pierre Changeux, fonctionne en réseau. Mais qu'on n'a pas suffisamment pris en compte dans l'étude de la psychologie et du comportement le rôle du cortex préfrontal à l'avant du cerveau. Et nous avons à l'avant de notre cerveau un chef d'orchestre qui nous permet de prendre les décisions, par exemple de ne pas répondre trop vite selon un mode heuristique ou automatique comme je l'évoquais. Mm-hmm. Et donc ce qu'on a pu découvrir, c'est que ce cortex préfrontal mature lentement au cours du développement, qu'il a donc besoin de beaucoup de renforts, d'éducation et qu'il faut tenir compte du fait que très souvent les enfants, comme d'ailleurs le disaient les grands pédagogues, Montessori et d'autres, très souvent les enfants ont déjà la solution, sont très lucides, plus logiques qu'on ne l'imagine. Et aujourd'hui, Alison Gopnik, grand psychologue du développement, le dit également, les enfants ont des fenêtres de lucidité, mais ils co-construisent en même temps d'autres choses qui vont les tromper, des illusions dans l'environnement. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est ce rôle capital du cortex préfrontal qu'il faut accompagner. Donc, il faut plutôt entraîner à l'école l'attention, la concentration, le raisonnement, en plus, évidemment, des programmes, et en complément, des programmes scolaires classiques. Est-ce que vous prenez en compte le rôle du sommeil, le rôle des émotions ? Le rôle des émotions est capital, parce que l'enfant qui va être capable d'inhiber un automatisme, une réponse trop rapide, donc une erreur, doit ressentir des émotions que l'on observe dans le cerveau. Ces émotions sont, par exemple, le doute. Il faut que l'enfant doute. C'est une émotion, le doute. Et ça se voit comment Alors, vous avez vous avez des régions cérébrales de ces émotions qu'on appelle des émotions contrefactuelles, c'est-à-dire penser contre les faits ou contre soi-même. Quand on doute, c'est qu'on se dit « Ah, ma réponse !» ou l'enfant se dit « Ah, j'ai envie de répondre qu'il y en a plus là parce que c'est plus long, mais peut-être que je me trompe. » Ça éveille une émotion dans le cerveau, une émotion cognitive, intellectuelle. Il y a aussi une émotion de regret et d'anticipation du regret. C'est aussi une émotion contrefactuelle. Imaginez que les jetons soient des bonbons et qu'il y a un alignement très très long et un alignement très court et ce fait qu'on a mis plus de bonbons dans l'alignement court. Eh bien, on observe que très tôt, dès 2-3 ans, les enfants réussissent le problème parce qu'ils ont anticipé le regret d'avoir moins de bonbons s'ils choisissent l'alignement le plus long. Donc, l'émotion est au cœur de ce processus inhibiteur dont je parle, parce qu'il faut anticiper le regret, il faut douter de sa réponse et il faut aussi être curieux. Et ça, ce sont trois émotions cognitives, doute, curiosité, regret, qui guident l'inhibition et qui, dans le cerveau, s'allument en premier, je dirais, et ensuite, par des connexions au sein du cerveau, des réseaux neuronaux, comme l'évoquait Changeux, vont envoyer un ordre vers le cortex préfrontal qui lui-même va inhiber et activer les façons de répondre, les stratégies. Donc l'émotion est au cœur, comme le dit très bien Antonio Damasio avec lequel on partage beaucoup d'idées. L'émotion ici guide l'intelligence. Et le sommeil ? Alors le sommeil est essentiel pour tout ce dont on discute parce que très souvent les enfants, on leur dit « qu'est-ce qui se passe quand tu dors ? Que fait ton cerveau ?» Ben, il dort aussi, disent les enfants. Et on leur dit « non, ton cerveau continue de travailler. » C'est-à-dire que les réseaux de neurones retravaillent, refont, rejouent en quelque sorte comme un orchestre les apprentissages du jour. Et donc cela consolide les apprentissages. Et quand on dort, c'est pas seulement un repos physique, c'est aussi un travail de consolidation cognitive en mémoire, ce qui fait qu'un enfant ou un adulte qui a bien dormi va beaucoup mieux utiliser les apprentissages de la veille. Et c'est tellement vrai que même il a été démontré qu'un élève qui doit faire un raisonnement, qui ne trouve pas la solution la veille, en dormant bien, il est très fréquent qu'il trouve la solution avant de s'éveiller, ce qu'avaient raconté quelques grands scientifiques. Eh bien, on retrouve cela en observation du sommeil et en effet en imagerie cérébrale sur le cerveau et l'usage des réseaux neuronaux. Donc, le sommeil est évidemment essentiel à tous ces apprentissages et je crois aussi que le sommeil nous fait rejouer ce système inhibiteur que l'on applique pendant la journée parce que on est un peu, c'est quand même c'est virtuel le sommeil, donc il y a moins de, l'environnement n'est pas présent et comme seul la journée. Voilà, on lâche prise. Et donc, ça permet de rejouer le regret que j'évoquais, le doute, la curiosité, mais de le rejouer avec des enjeux moins vitaux, moins importants. Et donc, c'est sans doute essentiel pour ce processus inhibiteur. Apprendre à inhiber en dormant ou apprendre à la résistance cognitive en dormant, c'est sans doute très précieux à ce qui va se passer le lendemain. Vite, c'était Isia. Les aventuriers sur France Inter. Le monde des psychologues de l'enfant a généré, en un peu moins de 2 siècles, de nombreuses théories. Les pédagogies Montessori ou Freinet sont toujours d'actualité. Le Suisse Jean Piaget a laissé un héritage important. Toutes ces grandes figures, comme Olivier Houdet aujourd'hui, ont voulu aider les enfants à devenir des êtres épanouis et responsables. Alors la psychologie du développement a déjà une tradition, une grande tradition historique. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu Alfred Binet qui inventa les échelles de développement mental qui ont donné lieu au quotient intellectuel. Et oui, mais c'est lui qui a inventé les tests de QI quasiment. Absolument, oui. Et dans le laboratoire que j'ai dirigé pendant 20 ans, et le bureau que j'occupe est celui où Alfred Binet fit ses travaux. Et aussi, au cours du 20e siècle, un jeune chercheur, jeune psychologue suisse, Jean Piaget, est venu à Paris pour se former à la psychologie tout à fait nouvelle et a fait un stage dans la Bobinet qui lui demandait de standardiser ses tests, c'est-à-dire de les vérifier, les répéter. Et Piaget le faisait parce que c'était le sujet du stage, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Et ce qui intéressait Piaget, c'était plutôt ce qui se passait à côté, les raisonnements un peu sinueux de l'enfant. Et c'est comme ça que Piaget, peu à peu, s'est intéressé à la genèse du raisonnement logique chez l'enfant. Jean Piaget est devenu un grand psychologue de l'enfant. Le plus grand au XXe siècle, le plus grand psychologue de l'enfant. Les théories de Piaget et les travaux, les observations ont fait le tour du monde, dans toutes les écoles, chez tous les professeurs. Et Piaget était devenu, à la fin de sa vie, une rockstar. Quand Piaget se déplaçait, c'était tel une rockstar. Mais des journalistes aussi allaient le voir, 1970. 14 juin 1970, première chaîne de télévision, le bureau de Jean Piaget, à Genève. Une petite maison entourée d'un jardin. Voici l'endroit où Jean Piaget écrit, la tanière, où ont été conçus et écrits plus de 40 ouvrages sur l'intelligence de l'enfant, sur sa logique et son sens de l'espace, du temps, sur le langage, le mouvement, la vitesse, le nombre, et aussi, on le verra, sur le fondement biologique de toute connaissance. Piaget a 73 ans. Monsieur Piaget ? Monsieur Piaget ? Ah oui. Finissez si vous avez quelque chose à terminer. Il est excellent de rester au milieu d'une phrase, ça permet. Pourquoi ? Ah, mais ça évite le temps d'amorçage, quoi. On est d'emblée dans son affaire. Et on réentendra tout à l'heure Jean Piaget. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Jean Piaget ? Alors, Jean Piaget était le grand découvreur des stades du développement de l'intelligence chez l'enfant. Alors d'abord, là, l'extrait, on l'entend dans son bureau. Alors, son bureau, faut imaginer, c'était un capharnaüm. Mmh. Son bureau était extrêmement désordonné. Et pour un grand psychologue qui étudiait la logique, le raisonnement et l'ordre dans le cerveau, c'était très paradoxal. Il y a très belles photos de son bureau. Et quand on disait, un journaliste, par exemple, à Piaget, « Mais monsieur Piaget, comment se fait-il que votre bureau soit aussi désordonné ?» Il répondait « Attention, il faut distinguer l'ordre géométrique et l'ordre vital. » Il disait « Dans mon bureau, c'est l'ordre vital. » Donc voilà, Piaget était un homme éminemment intelligent. Il a découvert lui-même les stades de l'intelligence chez l'enfant. Un bébé qui est d'abord très illogique, intuitif. Un enfant qui, vers 6-7 ans, devient logique, mais encore pour des objets concrets, comme les jetons que j'évoquais tout à l'heure. Et à partir de l'adolescence, il disait que émerge et se stabilise la logique formelle, la rationalité qui est notre logique adulte. Il a donc découvert un modèle du développement en escalier, en stade, que j'appelle incrémental, mais que je discute aujourd'hui. Oui, qui est un peu remise en cause aujourd'hui. Complètement. Alors, il y a une part du développement qui est en effet par stade, par palier, chacun peut l'observer. Mais on découvre aujourd'hui, grâce à l'exploration des réseaux neuronaux de l'intelligence, que le développement est dynamique et non linéaire. C'est une notion qui existe dans les modèles en physique, par exemple. Eh bien, c'est aussi vrai du progrès chez l'enfant. Il y a parfois chez l'enfant, chez l'adolescent et encore chez nous-mêmes, des progrès fulgurants ou des plateaux, en quelque sorte. Et donc, le développement n'est pas du tout incrémental, très lent, de stade en stade, et beaucoup plus dynamique, biscornu. Et c'est ce que je décris, en effet, dans tous mes livres. À partir de là, est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'intelligence et est-ce qu'on peut quantifier l'intelligence ? L'intelligence, pour moi, c'est l'inhibition. L'inhibition positive, créatrice. Appliquer ces automatismes, c'est une forme d'apprentissage, mais ce n'est pas cela être intelligent. Être intelligent, c'est inhiber ces automatismes, résister à ces automatismes quand il faut être créatif ou répondre autrement. Alors, cette inhibition, comment la mesure-t-on aujourd'hui? Très précisément, ah oui. Grâce à des tests qu'on appelle le chronométrie mentale, de temps de réaction en millisecondes, on peut tester si le cerveau est capable ou non d'inhiber une heuristique, une réponse dominante. Et cela, autant par exemple dans des problèmes de dénombrement, dans des problèmes de catégorisation, de raisonnement. Donc, cette inhibition se mesure par un phénomène très technique qu'on appelle l'amorçage négatif. Piaget parlait d'amorçage, d'ailleurs, dans sa propre écriture. L'amorçage négatif, c'est qu'on crée une séquence à test où vous devez d'abord, je reprends l'exemple des jetons, vous devez d'abord inhiber une illusion, une heuristique, inhiber la longueur, par exemple. Et puis juste après, vous mettez l'enfant dans une situation où l'heuristique de la longueur marche. Donc il va devoir activer ce qu'il vient d'inhiber. Et bien à ce moment-là, la levée de la résistance cognitive fait qu'on est un peu plus lent, qu'on fait des erreurs. Et c'est le truc, comme un détective, un policier qui trouve la façon d'observer le phénomène, et bien en science cognitive aujourd'hui, on peut mesurer l'inhibition de cette façon. Si on inhibe, après, pour désinhiber, ça prend un peu de temps. Et c'est la façon dont, rétroactivement, on peut dire l'inhibition a bien fonctionné et la personne, l'élève ou l'adulte, est intelligent. Et on mesure cela en millisecondes. C'est l'amorçage négatif, negative priming en anglais. Et on peut corréler ça avec les réseaux neuronaux qui s'inhibent ou qui s'activent. 1er avril 1951, Radio-Télévision française. Jean Piaget. L'intelligence se définit par le développement et non pas par un critère absolu. Il n'y a pas de limite inférieure, autrement dit, à l'intelligence. On ne peut pas situer un jour, un mois, une année où l'intelligence apparaît dans le développement de l'enfant. L'intelligence ne peut se définir que par son processus. Elle est un processus d'organisation qui englobe l'ensemble des fonctions cognitives et qui tend vers une certaine forme d'équilibre, qui marche vers certaines formes d'équilibre terminal. L'intelligence embrasse donc toutes les fonctions cognitives jusqu'à l'achèvement d'une logique, mais on ne peut la définir que par son orientation ou sa direction. C'était en 1951. Oui, c'est ce qu'on appelle le point de vue téléologique, c'est-à-dire que l'intelligence est déterminée par sa direction, le but qu'elle doit atteindre. Et le rêve de Piaget était de montrer que la logique, les mathématiques dont parlent les savants, les adultes et les philosophes, se construisaient dans le cerveau et dans l'esprit du bébé de chaque enfant. C'est pourquoi il avait cette vision du processus. Là où je crois qu'il s'est trompé, c'est qu'il a décrit ce processus de façon un peu trop incrémentale, linéaire. Et dans d'autres extraits qu'on pourrait écouter, Piaget disait « Tous les enfants du monde doivent passer par ce processus stade par stade à tel âge. » Et chaque état d'équilibre qu'il évoque, ça s'appelle un stade, et lui-même un peu trop figé ces stades selon des âges. Aussi bien que les professeurs disaient « Mais alors, on doit attendre que nos enfants aient atteint le stade de M. Piaget pour pouvoir leur enseigner le nombre. » Et il s'est beaucoup trompé dans la caractérisation de ces stades. En revanche, dire que l'intelligence est un processus, on est tout à fait d'accord, c'est du constructivisme. Simplement aujourd'hui, moi, ce que je défends, c'est un néo-constructivisme, un nouveau constructivisme tenant compte des découvertes de l'aspect plus dynamique et non linéaire du cerveau. To the end. in your blood, babe. I heard you got the same taste in your mouth. You know there's nothing new, babe. We try how to change, but it's still the same. Maybe I'm off all the sun. Maybe I'm off all the sun. Oh, I'm nothing like you. Oh, I'm nothing like you. Maybe I'm off all the sun. Could have been anyone. Oh, I'm nothing like you. Oh, I'm nothing like you. Les neurosciences ouvrent des perspectives immenses aux enseignants d'aujourd'hui. Les découvertes faites au Lapsidé peuvent concrètement trouver leur place en classe. Comprendre comment les enfants apprennent, mémorisent ou créent, éveiller les enfants à la beauté et les aider à mieux se construire, tel est le but que poursuit Olivier Houdet, instituteur, psychologue et neuroscientifique de formation. Ce chercheur bienveillant prône une pédagogie du doute, du regret et de la curiosité. Dans l'école d'aujourd'hui, on apprend à accumuler les connaissances. On renforce, on répète, on revient aux fondamentaux pour lire, écrire, compter, raisonner. C'est très important. On répète beaucoup. On crée donc des automatismes cognitifs dans le cerveau des enfants. Et si je résume en deux mots, on a encore une école des automatismes. Il faut aussi une école de la résistance à ces automatismes, ce qui dans le cerveau correspond aux neurones inhibiteurs. Mais la moitié de nos neurones sont inhibiteurs et les autres activateurs. Donc on n'entraîne pas assez notre cerveau inhibiteur. Et ce n'est pas dans un sens négatif, c'est dans un sens positif et créatif de l'inhibition. Est-ce que les enseignants sont prêts ? Les enseignants n'aiment pas qu'on leur impose une idéologie ou une théorie. Donc je suis contre l'idéologie des neurosciences à l'école. Je suis pour la science participative et responsabiliser les professeurs. Dès l'instant où les professeurs comprennent que par cette connaissance du fonctionnement du cerveau, de ses automatismes, de l'inhibition des automatismes, ils comprendront mieux la logique des erreurs des enfants, et donc pourront plus finement adapter leur pédagogie, les professeurs sont intéressés. Mmh. Et je dis aujourd'hui, et c'est le grand défi pour demain, que un médecin généraliste, et nous attendons tous de notre médecin qu'il connaisse le fonctionnement des organes du corps pour lesquels il fait un diagnostic ou pour lesquels il prescrit un traitement, aujourd'hui les instituteurs, les professeurs des écoles ont une responsabilité immense, c'est qu'on a de commencer et bien avancer très vite sur l'exploration du cerveau de l'enfant en développement. Donc les profs, d'abord, devraient être valorisés dans leurs fonctions et dans leur salaire, et ils devraient, comme les médecins, tenir compte des connaissances sur le cerveau en développement. Et vous imaginez la responsabilité dès lors immense des professeurs, car comme le disait Changeux, le cerveau est très dépendant de la culture, du social. Mm-hmm. Et donc les réseaux de neurones qui vont se stabiliser en mémoire vont dépendre du comportement pédagogique du professeur. Dès lors, c'est un métier qui fut le mien jadis, absolument essentiel et très scientifique finalement. Est-ce que les enseignants s'intéressent à ce que vous avez découvert avec l'imagerie cérébrale ? Il n'a pas fallu attendre l'imagerie cérébrale pour que les professeurs fassent bouger les neurones de nos petites têtes blondes, mais ils peuvent mieux guider aujourd'hui leur choix pédagogique par rapport à ce qu'ils peuvent voir de l'impact sur ce qu'on ne voit pas. À l'école, on n'imagine pas, mais il y a des millions de cerveaux qui vont à l'école chaque jour et on ne les voit pas. Simplement, les scientifiques dans leur laboratoire peuvent aider, c'est une promesse de la science aujourd'hui, les professeurs à imaginer l'impact de leur action pédagogique sur le cerveau. Dans votre livre « L'école du cerveau », vous parlez notamment de Montessori, de Freinet. Quel est l'héritage de ces pédagogues d'autrefois, entre guillemets ? Ils avaient compris qu'il fallait que l'enfant soit actif, qu'il teste ses hypothèses, qu'il teste ses réponses. Et donc, ce dont j'ai parlé, le contrôle de soi, le contrôle inhibiteur, la résistance cognitive, ne peut le faire que chez un enfant actif qui se trompe, qui regrette sa réponse, qui inhibe sa première réponse. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la flexibilité cognitive, les fonctions exécutives du cortex préfrontal, apprendre à se contrôler, contrôler son comportement, était finalement dans les intuitions des pédagogues de l'éducation nouvelle qui disaient il ne faut pas un cours magistral, un seul professeur devant toute la classe passive et inactive. Mmh. Il faut partir du projet de l'élève, de l'élan de chaque enfant chaque matin. Je l'ai fait moi-même quand je faisais les classes Freinet comme instituteur. Et à partir de cela, l'enfant est beaucoup plus motivé. Et un enfant qui est totalement motivé parce que ce que l'on propose comme enseignement part de aussi de ce qui intéresse l'enfant, eh bien l'enfant s'autodiscipline par exemple. Et on peut faire des pédagogies nouvelles avec une grande classe. Ce n'est pas du tout nécessairement une question du nombre d'élèves par classe. Si on a une pédagogie innovante, ce qu'avait très bien compris Montessori et Freinet, les enfants totalement motivés s'autodisciplinent et travaillent en groupe. Alors Piaget ensuite a un peu suivi cette idée de constructivisme, l'intelligence par l'action. Et aujourd'hui, les sciences cognitives confirment que l'enfant doit être curieux, que l'enfant doit être actif pour apprendre. Et donc, c'est très cohérent avec l'éducation nouvelle. Et Montessori, par exemple, qui était médecin, il ne faut pas l'oublier, première femme médecin en Italie, pédagogue, Montessori disait on ne s'intéresse pas assez à l'âme de l'enfant. Mais en termes contemporains, avec les technologies d'aujourd'hui, il est évident que Montessori aurait fait ce que nous faisons, c'est-à-dire de l'imagerie cérébrale du cerveau de l'enfant. Et par exemple, Montessori avait dit il faudrait éduquer l'attention chez l'enfant. Personne n'en parlait à ce moment-là. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Travailler sur l'inhibition cognitive dans le cortex préfrontal, c'est une forme d'attention sélective. Bon, il n'avait pas de terme aussi précis. Montessori, Freinet et les autres pédagogues de l'éducation nouvelle ou de Crowley en Belgique n'observaient pas le cerveau. Mais les processus qu'on découvre confirment très souvent, pas dans tous les cas, des intuitions qu'ils avaient. Olivier Houdet, dans l'école d'aujourd'hui ou de demain, on ne peut pas passer sous silence les écrans, les tablettes, les ordinateurs. Alors, l'écran, par exemple, peut être nuisible au sommeil, puisque si on reste trop, surtout pour les adolescents, sur sa tablette le soir, c'est-à-dire qu'on dormira moins ou moins bien, et la consolidation des apprentissages de la journée sera moins bonne. L'écran fatigue aussi les yeux, donc on sait qu'il y a, par exemple, une myopie beaucoup plus précoce chez les adolescents en raison de l'exposition aux écrans dans l'obscurité. L'écran peut aussi créer des comportements, certains disent addictifs, mais en tout cas des pratiques excessives, passer trop de temps devant l'écran. Alors, ça, c'est l'aspect négatif. Il y a aussi un aspect positif, c'est-à-dire que c'est une technologie formidable, comme les livres à la Renaissance, il faut comparer cela aux livres. Beaucoup de gens disaient à l'époque, attention, les livres vont altérer le développement, le bon développement des enfants. Les livres sont devenus un objet de culture et d'intelligence, les écrans peuvent le devenir. Ce qu'il faut éduquer à l'école, c'est un usage. Les enfants ont un usage raisonné des écrans, prendre conscience du temps qui passe. Ça, c'est essentiel. Il faut un contrôle inhibiteur face aux écrans. D'abord, simplement s'arrêter de jouer sur écran, par exemple, mais aussi, quand on joue sur écran, ne pas croire tout ce qui est indiqué sur l'écran ou ne pas se laisser tromper par une illusion visuelle sur l'écran. Donc, la résistance cognitive, qui a toujours dû exister dans le cerveau, est aujourd'hui, face aux écrans, plus importante que jamais. Parce que c'est cette résistance cognitive de ne pas répondre trop vite, de ne pas uniquement appuyer sur « like », qui est l'heuristique de l'affect, c'est-à-dire de plus en plus, les adolescents, les jeunes adultes, décident face à un écran s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, ou face à un message sur Twitter, par exemple. Donc, en permanence, leur cerveau utilise finalement un automatisme affectif, qui n'est pas nécessairement du raisonnement logique, ni une validation de l'information, comme le ferait un journaliste. Donc, il y a une opposition de plus en plus grande entre crédibilité ou affectivité, c'est-à-dire ce que l'on aime, ce à quoi l'on croit. Et ça, c'est ce que j'appelle un système heuristique, le système 1. Et le système 2, qui est celui de la logique, des algorithmes, de vérifier si le raisonnement tenu est valide. Le problème, c'est que la crédibilité et l'affectivité, cela va plus vite. Donc, il faut un troisième système qui inhibe ces heuristiques quand elles sont erronées, nous conduisent en erreur, et qui active nos algorithmes. Et c'est toute la question actuelle des fake news et, de façon plus générale, de nos sociétés qui pensent trop vite, qui conduisent au communautarisme aussi, parce que les heuristiques sont collectives, on a tous tendance à penser en même temps et à aimer ce qu'un groupe de personnes aime, mais on n'a pas nécessairement pris du recul, inhibé son propre point de vue ou inhibé le point de vue de sa communauté, ce que j'appelle l'heuristique égocentré, pour activer le point de vue d'autrui, qui est le fondement de la tolérance. Et là, je reviens sur les ambitions qui étaient celles des pédagogues de l'éducation nouvelle, Montessori, Freinet, intervenir sur l'éducation au plus tôt pour créer des citoyens adultes qui seront respectueux, en l'occurrence, des autres, pour la paix, pour l'environnement et pour ce qui sont les valeurs humanistes en général. Donc une pédagogie de la résistance, du regret, de la curiosité, oui. Du doute. Oui, c'est cette pédagogie-là, donc de l'émotion, de l'inhibition au sens positif du terme, créatrice, qui doit se conjuguer avec les apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter, penser, raisonner. Alors, ces apprentissages fondamentaux, est-ce qu'ils doivent respecter un programme, d'après vous ? Oui, il faut absolument respecter un programme. C'est ce que j'appelle les algorithmes. Mais il n'y a pas que les algorithmes dans le cerveau. Donc, il faut respecter le programme, mais se dire à tout moment, que le cerveau qui apprend et qui apprend bien sera précisément celui qui doute, qui regrette des réponses trop rapides et qui est curieux. Et moi, je retiens que finalement, la science peut vraiment aider à faire la classe. La science ne fait pas directement la classe. Elle peut aider. Voilà, elle peut aider et le professeur peut se sentir responsabilisé, investi finalement d'un rôle éclairé par la science et pouvoir décliner en formules pédagogiques innovantes chaque jour des comportements pédagogiques qui sont utiles au cerveau. Et ça, c'est formidable parce que moi, ce qui m'avait absolument séduit dans le métier d'instituteur, c'était d'éveiller dans le cerveau des enfants l'intelligence et la beauté. Parce que finalement, faire dessiner les enfants, les exposer à des œuvres d'art, des peintures ou leur faire écouter de la musique, c'est déclencher dans leur cerveau, et Changeux décrit très bien ça dans un livre qui s'appelle la beauté dans le cerveau, déclencher la surprise, la cohérence entre les détails et le tout, par exemple la composition d'une peinture ou dans une mélodie, entre les notes et la mélodie générale, et donc surprise, cohérence et parcimonie. La touche de blanc sur l'œil dans un tableau de Rembrandt, une courbe qui crée un corps humain chez Picasso. C'est très élégant, c'est parcimonieux, c'était la seule façon de le dessiner. Donc, dans le cerveau, quand on mobilise ces trois processus de façon coordonnée, surprise, cohérence et parcimonie, on a le sentiment que quelque chose est beau dans le jugement esthétique et aussi dans la création esthétique. Et donc, exercer tant les enfants la beauté qu'en intelligence, c'est non seulement éveiller l'esthétique, mais aussi la morale. Parce que quand on est dans un environnement qui est beau, eh bien, on a envie de recréer des relations belles avec autrui. Et on oublie parfois cela dans l'architecture des écoles ou dans la composition des classes. Montessori l'avait vu, il fallait une esthétique de l'architecture de la classe. Et donc, la question de la beauté, par exemple, est aussi essentiel dans les sciences cognitives. Donc plus de beauté aussi dans l'école de demain. Oui. Olivier Houdet est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés aux apprentissages. Apprendre à résister est devenu un classique. Vous le trouverez aux éditions Le Pommier. Son dernier titre, L'intelligence humaine n'est pas un algorithme, est paru chez Odile Jacob. Vous pouvez bien sûr réécouter Olivier Houdet sur franceinter.fr. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible sur Internet. Vous pouvez aussi lire Olivier Houdet dans un ouvrage qui vient de paraître chez Flammarion, Les promesses de la science, en coédition avec France Inter, et avec une préface de Joël de Ronay. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la documentation musicale Romain Couturier. Merci également à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Les Saventuriers ne seront pas là la semaine prochaine puisque la grille de rentrée s'installe dès demain. Je vous retrouve samedi matin dans le 6-9 du week-end. Dans un instant, Jean-Claude Mézène. Passez une très bonne fin de journée sur France Inter.